Somme toute, je les emmerde, qui m'a trahi personne, j'ai jamais eu quelqu'un. Et je peux les faire taire sans peine, si tu tombes on te rattrape, je suis pas sûr et certain. Beaucoup parlent, beaucoup mais peu font, si j'ai l'œil sombre on se connaît à quel point. Dans ma tête c'est la bagarre, y'a un homme et un chien, il faut qu'il en reste qu'un. Passe la manette, je te mets 12 perfect, embarrassé depuis Blue Velvet. Certains diront que je manque de matière, à côté de moi eux c'est tous des spectres. Et si je veux le faire, gros je vais le faire, apparemment je les dérange, rien à foutre, je les baise. Sous l'épiderme, serpent, ours et aigle, j'serai pas le dernier à soulever le glaive. J'ai besoin d'amour, j'ai le cœur fermé, baby chez moi tout est paradoxal. Et ton daron c'est qui, qu'on se vla le cognac en s'écriant qu'on n'est pas normal. Ne pas finir comme eux, c'est un leitmotiv, sur le tapis verse l'ammoniaque. Je vais pas me mettre à croire que je suis pas poursuivi juste parce que je suis paranoïaque. Dans le bac que ça parle en cash, même la voisine prend son cash. Moi j'ai dehors dans le bas de pétasse, et quand je la dégaine tu tâches. Ops, ça c'est dégueulasse, je la découpe sans laisser de trace. Et gauche d'achat après mon casse. Dans le bac que ça parle en cash, même la voisine prend son cash. Moi j'ai dehors dans le bas de pétasse, et quand je la dégaine tu tâches. Ops, ça c'est dégueulasse, je la découpe sans laisser trace. Et gauche d'achat après mon casse. Polly veut un cracker, tout le monde ne fêtera pas ses Sweet 16. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, dans ton entourage au moins 10 victimes. J'observe mes semblables, ils sont pleins de bullshit comme dans Irritil. Gros le rap c'est pas toute ma vie, je veux une longue carrière à la BB King. La mort veut pas de moi tout de suite, j'ai toujours couru avec des ciseaux. Si on apprend dans l'erreur, crois-moi, j'ai fait ce qu'il faut. J'écoute qu'un rappeur, les autres ont tous les mêmes champs lexicaux. Pour te voir je baisse la tête, je me sens comme dans Vertigo. Dans ce milieu trop de poison comme Black Gulch. Ils sont effrayants mais tout gentils comme Casper. Je vois des orphelins et d'aggravants facteurs. Jusqu'ici tout va bien, j'attends le day after. Dans le bac que ça parle en cash, même la voisine prend son cash. Moi j'ai dehors dans le bas de pétasse, et quand je la dégaine tu tâches. Ça c'est dégueulasse, je la découpe sans laisser trace. Et gauche d'achat après mon casse. Dans le bac que ça parle en cash, même la voisine prend son cash. Vas-y toi dans le bas de pétasse, et quand je la dégaine tu tâches. Ça c'est dégueulasse, je la découpe sans laisser trace. Et gauche d'achat après mon casse.